C'est fou ça. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On discute de la loi 115 avec François Landry et son segment Logocratie 101. On reçoit Simon Fitzbé, sa chronique Phénomène. À Assemblage requis. Et ça commence maintenant. J'aime ça, t'essayes des choses des fois, c'est bien. Je me dis, pourquoi pas? T'es pas stagnant. Non, contrairement à... À moi. Mais non. Merci. Mais... Hey, toi, tu sais comment bien faire commencer la journée à Monsieur Mathieu Plante moi-même, hein? Ben, okay. En me rappelant une gaffe que j'ai fait il y a 4 ans qu'on racontera pas en détail à la radio. Comme, oui. Mathieu, t'as fait ça? Ben oui, ah, là, je me sens mal pour le reste de la journée. Ben non. Tu t'as du mal pour vrai? Non, non, un peu. Hey, non, hey, Mathieu, c'était vraiment pas ça le but. Parce que hier, j'ai pas pu t'en parler. Ou bref, j'y ai seulement pas pensé, donc. Continue ça, comme ça. Ouais, mais là, j'y ai pensé. En fait, ce matin, je t'en ai parlé. Ah, zut. Que voulez-vous? C'est dans ta tête maintenant, tu ne lâcheras pas la sujet. Non, mais en fait, je suis au courant de ce que tu peux faire maintenant. Donc, ouais, des gaffes. On va juste dire en général comme ça, une gaffe qui a peut-être brisé quelque chose qui valait de l'argent. Peut-être un peu. Bon, peut-être pas. Bienvenue à Assemblage requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées. On est le jeudi 21 octobre 2010. On est en direct des studios de Cifo à Trois-Rivières. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est François-Olivier Marchand. El Manchande. OK, oui. Aujourd'hui à l'émission, on a une liste d'épiceries de choses à cocher, je dirais. Une liste d'épiceries de choses à cocher, je dirais. OK, vas-y. On a Simon Fitzbé. Avec sa chronique Phénomène. Il parle de l'histoire du rock, on ne sait pas encore son sujet, mais non. On a hâte. Oui. On a François Landry. Oui. Avec sa chronique Logocratie 101, qui va nous parler de la loi 115. Oui, il nous dit Bayon. Sur la loi 115. Ouais. Hey, t'as un beau gilet, si je viens de le remarquer. Merci, c'est mon chandail d'OK Go de samedi. Ouais. Ouais, il est beau. T'aimes ça? Ça fait geek, hein? Il y a comme un logo qui ressemble un petit peu au jeu Q-Bird, pour ceux qui se rappellent de Q-Bird. Ou Nintendo GameCube. Ah, oui, je l'avais même pas vu le lien avec le GameCube, tout à fait. Ouais. Bien vu. On a une chronique, c'est un fait, évidemment, donc on va vous rapporter. On vous a pêché. Les meilleurs faits. Oui, les meilleurs faits ever. Ever. Ever. Donc, si je peux vous titiller, un petit fait sur Winnie the Pooh. Winnie the Pooh, vas-y. Oui, ben non, tantôt. Tantôt, oui. Tantôt. Puis un autre sur Charlie Chaplin, que vous connaissez peut-être. Évidemment, la chronique, c'est un fait, ça a deux buts. Soit vous apprendre des choses pour que vous puissiez après ça les dire aux autres, ou vous vanter que vous les savez déjà. Les deux sont bons, oh, tout à fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a évidemment de la bonne musique, un infocampus, des nouvelles. Hein? Oui, des nouvelles. Et écoute, moi, je vais vous dire quelques nouvelles qui sont plutôt drôles. Je vais vous dire aussi ce qui se passe au niveau de l'UQTR ici même. Un peu plus tard dans l'émission. Mais là, on commence en musique, non? Oui, on commence ça avec du bonheur en plus parce que ça commence bien une journée. Ça commence très bien et puis ça termine très bien la semaine dans le sens que c'est le début du commencement. C'est le commencement, c'est le début de la fin. C'est ça, exact. Ouais, merci Mathieu. C'est aussi le début de la fin pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné. Tout à fait. Écoute, j'avais pas vu ça comme ça, mais oui, effectivement. Ouais. C'est vrai ce que tu dis, Mathieu. Allez-vous chercher un bon petit café au caramel. Là. Je suis un peu là quelque part. I'm not. chantes bien, François, je trouve. Je chante très bien. Oui, tu m'as entendu? Oui, un peu. Ah, je suis un peu gêné. Tu pensais que la musique était assez forte pour te cacher. Hein? Ouais, exact. Ouais. Winter Gloves. Oui. Avec la pièce Let Me Drive. Juste auparavant, on a entendu The Almost avec la pièce Ends. Exactamundo. Exactamundo. C'était très bon. Un très bon bloc, les deux. Mais si vous avez entendu les deux pièces, vous avez tout de suite su que c'était semi-concept dans le sens que les pièces s'enchaînaient très bien. Oui, c'est ça. Parce que ça, on fait ça rarement à la radio, des pièces qui s'enchaînent très bien. Mais Mathieu a beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Merci, merci. Mais vous voyez comme moi, on s'améliore... de jour en jour. Ben oui, de jour en jour. Ben d'ici au mois d'avril, ça va être clean pas mal. Ça va être... Ça coche, mon ami. Ok, oui. Parlons un petit peu d'actualité. L'actualité, tout à fait. Écoute, je te parle de nouvelles. C'est un ancien combattant britannique qui avait été contraint d'annuler ses vacances à cause du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale a finalement pu bénéficier de son séjour grâce à un avoir datant de 71 ans. Hein? Et oui, tout à fait. Len Townsend. Townsend. En tout cas, genre. Ouais, un genre, désolé pour la prononciation de son nom. 89 ans, avait prévu de se rendre sur l'île de Wight en 1939. C'est la date où la guerre a commencé. Et puis, il a reçu une lettre de son agence de voyage lui indiquant que son séjour était annulé et que son lieu de villégiature était utilisé par le gouvernement. Monsieur Townsend a précieusement conservé la lettre de l'agence où ce qui avait pris rendez-vous, qui incluait un avoir de 10 shillings. 70 ans plus tard. 70 ans plus tard, c'est quand même... Faut quand même le faire. Les propriétaires, excusez-moi, actuels de l'agence Bourne Holidays ont accepté l'avoir de l'ancien soldat qui avait participé au débarquement de Normandie. Donc, lui-même étant un soldat. Il a même pu profiter d'un séjour gratuit. Wow! Et le monsieur qui est en question dit avoir complètement oublié le séjour... En 70 ans, ouais, je peux comprendre. Ouais, c'est ça, exactement. Mais il s'en est rappelé quand il a retrouvé la voix qu'il a raconté au journal. J'étais vraiment surpris lorsqu'ils m'ont dit qu'il allait nous offrir un séjour. Le week-end a été très sympa. Juste un week-end. Franchement, il aurait pu donner un an. Et en fait, c'est ça. Il était heureux finalement d'avoir pu séjourner à cette place. Ah, c'est beau. Mais c'est très, très joli. Mm. Écoute, je te parle aussi de George, notre ami George W. Bush. Georgie boy? Oui. Qui, lors d'une conférence qui a eu lieu au Texas, à l'Université du Texas, M. Bush a dit qu'il était un peu surpris. 10 jours après la fin de ma présidence, je me suis retrouvé à ramasser les crottes de mon chien avec un sac en plastique. Ah, pour lui! Ce qu'il avait pu éviter pendant 8 ans. L'ex-président américain a aussi dit qu'il s'ennuyait d'être bichonné par la Maison-Blanche. Air Force One, l'avion présidentiel, lui manquait beaucoup. Et être le commandant en chef d'une armée formidable. Tous ces éléments lui manquent de la présidence. Se faire bosser par Dick Cheney, non? Aussi, frère. Ah, je sais pas. Je sais pas. Du monde, non? Pas plus. Ben, être le commandant en chef d'une armée formidable, ça veut un peu dire ça. Ah, ok, ouais, c'est vrai. Ben, je pense, là, ouais. En fait, là, si on peut lire un peu entre les lignes, parce que, en théorie, commander une armée, si t'es vraiment pacifique, il n'y a rien de plaisant là-dedans. Ouais, exact. Mais lui, il a l'air à retirer beaucoup de plaisir là-dessus. Il a pas fait d'apparition publique depuis les événements de Haïti. Ah, ok. Où il y avait eu un formidable Trump. Ben, pas un formidable. Il est occupé à jouer au G.I. Joe. Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas. Ah, ben, en fait, il écrit un livre. Oui. Cela sera un choc pour ceux qui, dans ce pays, pensaient qu'ils ne pouvaient pas lire un livre, encore moins en écrire un. A-t-il plaisanté? Donc, il a l'air quand même en forme. Est-ce qu'il a écrit. C'était quoi? C'était-tu à l'envers ou quelque chose de genre? Hein? Il l'a pas écrit à. Ah, non, je sais pas. L'histoire ne le dit pas. Écoute, Mathieu, je te rappelle les 2-3 petites choses qu'il y a à faire ici même à l'université de l'UQTR. Donc, demain, à la galerie R3 de l'UQTR, Il va avoir une exposition qui a pour but de sensibiliser le public au lien entre l'art, l'éducation et la culture. Donc, ça peut être très intéressant. L'exposition vise également à conscientiser les étudiants et les formateurs aux enjeux planétaires actuels et à l'importance de s'engager comme citoyen. Donc, ça, c'est demain au niveau de la galerie R3, ici même dans le pavillon. Mm-hmm. Pavillon de Nérébeauchemin, ouais, de l'UQTR. Exactement, merci de le spécifier. Et puis, samedi le 23, 14h, Colisée de Trois-Rivières, match de hockey des Patriotes, seulement 8$ pour les adultes, pour les étudiants de l'UQTR. C'est gratuit. Ils reçoivent les Paladins de RMC. RMC. Et puis, le lendemain, encore un match des Patriotes, cette fois-là, à 14h15 au Colisée de Trois-Rivières, toujours gratuit pour les étudiants de l'université, 8$ pour les adultes, où est-ce qu'ils vont recevoir les Varsity Blues de Toronto. Ah, ouais. C'est pas un film avec le gars dans Dawson's Creek, ça? Varsity Blues, James Van Der Beek. Ouais. Je sais pas, on dirait que tu parles chinois. Ouais. Ah, les filles, ça de quoi je parle. Ah, peut-être. Salut nos auditrices, peut-être existantes. Oui, on les salue. On les salue toutes. Oui. Merci, François. Ben, merci, Mathieu. Ouais. Je te dis merci, je te dis merci. On se tape dans le dos. Tu tapes dans la main aussi, ouais, on professeur. Non? Yeah! Poignée de... C'est fait. C'est bon. Ça que t'allais dire? Non, t'allais dire d'autres choses. Hein? Non, mais je voulais juste le faire une fois. Pac, c'est okay. Fait. Mais tu sais, je voulais pas que tu le fasses non plus. Non? Parce que sinon, on dirait qu'elle se tape dans la main deux fois. J'avoue. En tout cas. Ou d'autres choses. OK, arrête. OK. Vous êtes toujours à Assemblage Rocky, émission matinale en pièces détachées aux sur les ondes du 89 FM, c'est fou. 7h29 minutes. Oh, 7h29! Oui. Oui, vas-y. Ben, en fait, je voulais juste rappeler que l'émission est commanditée par le service aux étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières ainsi que la Banque nationale. Et puis, je vous rappelle, vous pouvez courir la chance de gagner un voyage d'une semaine à Rivière-à-Maya, hôtel Grand Palladium. Et ça, c'est un concours organisé par la Banque nationale. Pour plus d'informations, si vous voulez vous inscrire, allez à banquedelasanté.ca. Sans accent, évidemment. Banquedelasanté.ca. C'est ça. Voilà. Hier, vous vous rappelez peut-être dans le bloc le poste des culs. C'était fun. Oui, c'était fun. C'était super bon. On va écouter la même pièce qu'hier parce qu'elle était bonne. On veut 40 sur le palmarès. On veut que les gens se la mettent dans la tête et la demandent. C'est pas si bon que ça. T'as pas aimé ça? Non, c'est correct. C'était très bon. Vas-y. C'était très bon. All the pretty girls. Come on. Je te laisse aller, je te souris, je te regarde des drôles de yeux. C'est ça. En tout cas, pas de goût. All the pretty girls on a Saturday night. So I call your name. Cross my fingers on, cross the others as a tape. Oh, I don't think straight with nothing to prove. Stand your feet. Mais la nuit, j'ai décidé de t'écrire. C'est fou, ça. 89.1 sur le net au cfou.ca. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez Assemblage requis avec François Olivier et Mathieu Plante sur les ondes de CFOU 89.1 FM. JPLP! Avec la pièce Mauvaise Track. JPLP! Yeah! Très bonne pièce, j'aime ça. Ouais, ouais. T'as rendu ton verdict, t'aimes ça? Oui, oui. C'est bien. Tout à fait. C'est comme à juger. À juger. Vendu. Pas. J'aime ça. Super. François, Olivier, machin. C'est quoi? Vas-y, Mathieu, je suis prêt. Attends, je suis prêt. Je veux te gosser encore plus. Ok, vas-y. Avant, c'est un fait, ok? Oui. Faire quelque chose qu'on fait pas d'habitude. c'est moi, je fais pas ça d'habitude, je vais chialer un peu. OK. Fait que c'est la chronique tout le temps de quoi? C'est tout le temps de quoi? La vie est faite de monde et pas joie. Soit qu'il fait trop frais, soit qu'il fait trop chaud, soit qu'il fait trop tard, soit qu'il fait trop tôt. Il y a tout le temps de quoi? La vie est faite de monde et pas joie. Soit qu'il fait trop frais, soit qu'il fait trop chaud, soit qu'il fait trop tard, soit qu'il fait trop tôt. Ouais, là, je regardais ça, j'étais à l'épicerie, tu sais, chez un magasin de grande surface, tu sais. Plop, vas-y. Je m'achète, je vois la boîte. Waouh! C'est quoi ça? Des croque-cannelles. OK. Ça s'appelait pas croque-en-cannelle avant, avec un « an ». Il est rendu où, le « an »? C'est comme, j'aurais pas trouvé ça. Moi, je cherchais mes croque-en-cannelles, je trouvais pas. Ça me rend fou, des changements de nom ridicules comme ça. Puis t'as-tu vu, ils ont fait une nouvelle pub avec des petits croquants... excuse-moi, pas des croquants-cannelles. Des croque-cannelles, maintenant, avec des yeux. Leur pub, non, t'as-tu vu ça? Non, j'ai pas vu. C'est ridicule. Non, je peux pas... Avec une vieille chanson de genre 67, t'as-tu? Non, je peux vraiment pas... Non. Je trouve ça bizarre. Je sais pas quoi dire. Parce qu'en anglais, ça s'appelle Cinnamon Toast Crunch, tu sais. Fait que là, cinnamon, t'as cannelle, OK? T'as crunch qui est croquant, hein? Tu sais, bon. Puis t'as toast. Fait qu'en français, ils sont pas grillés. Hein? En français, ils sont pas grillés. Croque-cannelle, ils sont pas grillés. Ça me rend fou. C'est ça. C'est touchant, Mathieu. C'est vraiment... Écoute, je sais pas. Tu peux peut-être essayer d'écrire à la compagnie, voir le pourquoi, de savoir juste pourquoi. Je comprends pas, moi. Et puis peut-être qu'eux autres vont t'envoyer un courriel, mais pourquoi toi, ça te touche tant que ça, t'sais. Ouais, tu pourrais peut-être m'envoyer un collant avec le mot « 1 », puis je pourrais le mettre sur la boîte, maintenant. Ouais, si ça peut t'éviter... Je pourrais me faire faire des lunettes avec le mot « 1 » dans la lunette, puis je les porterais juste quand je regarde la boîte. Ouais. C'est sûr. Mais pensez. Ouais. Merci, François. Ouais, garde pas ça en dedans. OK, on va sortir à chaque fois. Ouais, pas vrai. Pas évident. Pas évident du tout. Ma vie est dure. Donc attendez, je me reprends. Vous avez entendu Mathieu, donc imaginez-moi qui côtoie Mathieu si souvent. Vous me comprendrez, j'ai vraiment besoin de vacances. Quand la journée commence tôt comme ça, puis se faire frapper avec une chronique miraculeuse comme ça, que tu crois révolutionnaire. Oui. Puis en plus, là, ce que vous savez pas, c'est que Mathieu m'a tenu le même discours ce matin en débarquant de l'auto. Hein. Et puis moi, pas que je m'en fous complètement, mais pas loin. C'est proche. Hein. C'est très près. C'est très, très près. On est à ça, mettons? Une distance de un croque-cannelle. Un croque-cannelle de... Ouais. Cool. Et puis là, on pourrait peut-être passer à autre chose. Oui, ça ferait du bien. Peut-être. On parlait de choses utiles à savoir. Voici, c'est un fait. Mathieu. Je vais te surprendre. Tu m'as eu. Ouais. Ah, bon, commençons avec nos faits de la journée. Vous allez voir, ça va être poutastique. Commençons avec Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Winnie the Pooh, on l'appelle souvent Pooh en anglais ou encore Pooh Bear, mais jamais Winnie. Non. L'origine, ben c'est ça. L'origine du nom Pooh vient d'une sortie au London Zoo par l'auteur des histoires A.A. Milne et son fils Christopher Robin. Peut-être que tu reconnais le nom, hein? Christopher Robin dans Winnie the Pooh. Personnage, Christopher. Bref, Christopher Robin a été capturé par un ours noir du nom de Winnipeg qui faisait dans le fond promener les enfants sur lui, je sais pas trop quoi, et manger des trucs dans leurs mains aux enfants. Donc, le fils de Milne aimait tellement Winnipeg qu'il a supplié son père de le ramener à la maison. À la place, Milne a fait ce qu'il pouvait faire de mieux autre qu'amener l'ours à la maison. Il a écrit un livre mettant en vedette l'ourson. Il a combiné le surnom de l'ours, donc Winnipeg c'est Winnie, avec le signe. Le signe de compagnie. C'était comme un swan, tu sais, un swan, l'animal, un signe. OK. Il y avait un signe de compagnie, son gars. Puis il s'appelait Pooh, ce signe-là. Donc ça a fait Winnie the Pooh. Oh. Willy pour Winnipeg, Pooh comme son animal de compagnie qui était un cygne. Dans le premier chapitre du livre original, Milne offre cette explication pour dire pourquoi l'ours s'appelle souvent Pooh dans les livres. Ça dit, ses bras étaient tellement... c'est un peu, qu'est-ce que ça dit ici? Hey, mais je trouve ça dangereux, par exemple, qu'au zoo, les ours. Ouais, c'est ça, nourrissait dans les mains des enfants. Mm-hmm. Une petite croquée, en tout cas, je sais pas. Bref, c'est ça, oui, le plus. Oh, intéressant, par exemple, pour vrai. Ouais, savais-tu que la largeur des ailes de Boeing 747 la largeur des ailes, là, si ouais. tu donnais à l'autre, c'est plus long que le premier vol des frères Wright. Ouais, quand même. Croyez-le ou non, Orville et Wilbur ont pas réussi à se rendre aussi loin que la largeur des ailes d'un Boeing 747, de presque 100 pieds. Oui. Donc, la largeur d'un 747, c'est 211 pieds et demi, alors que le premier vol des frères Wright était de 120 pieds. Ça a duré 12 secondes. Oui. Quand même. Il allait pas vite. Ben non. Hey, Mathieu. Oui. Ah non, vas-y. Après ça, j'en ai un, c'est un fait, mais c'est ouais. vraiment... ça sort de moi, mais c'est véridique. Ça sort de toi, c'est pas sûr de vouloir voir. Non, mais vous allez, tu vas comprendre. Puis à la limite, peut-être que t'es déjà au courant de ce fait-là. Peut-être, mais rappelle-moi. C'est une des beautés de la collecte, c'est un fait de pouvoir te vanter quand tu connais déjà ces faits-là. Oui. Sais-tu que Charlie Chaplin a déjà perdu un concours de Charlie Chaplin look-alike, donc des sosies de Charlie Chaplin. Il s'est même pas rendu au final. Et c'est vrai en plus parce que Snopes a étudié là-dessus, Snopes.com, le site merveilleux qui défait des légendes urbaines. Ah. Ils ont enquêté, puis c'est vrai. Savais-tu que le bureau, dans le fond, ton bureau au bureau, là, ta surface ouais. de travail, ouais. a 400 fois plus de bactéries qu'une toilette? Ah, ça se peut. Ben, ça c'est tout à fait vrai. On a beaucoup plus de bactéries dans notre bouche que dans le derrière d'un animal. Tout à fait. Tout à fait. Surtout si tu fais les deux, si tu mets. En tout cas. Selon un microbiologiste de l'Université de l'Arizona. Hein, c'est vrai. Ils disent, vous devriez peut-être manger dans la salle de bain. Hein, vous pouvez réduire vos journées de maladie au bureau de 30% en désinfectant votre bureau régulièrement. Faut pas virer fou non plus. Non. Tu sais, parce que, en tout cas, moi, j'ai pas tant peur des bactéries. On a des anticorps et puis... C'est ça. Puis c'est le même depuis toujours. Puis il y a pas tant de monde que ça qui sont morts. Tu sais, avant qu'on invente la purée aussi, on existait, on vivait. Ouais. Et puis ça se déroulait quand même bien. Bref, c'est mon point de vue. Là. Tout à fait. Une planche à découper de la viande, des légumes, etc. a typiquement 200 fois plus de bactéries E. coli qu'un siège de toilette. Donc peut-être que vous devriez désinfecter votre planche. E. coli. E. coli. Un point coli. Ouais. Un point espace coli. Ouais. D'accord. Donc, désinfecter votre planche à découper, ça au moins, ça pourrait être quand même une pas pire bonne idée, non? Tout à fait. Sais-tu que Justin Bieber peut résoudre un cube Rubik en moins de 2 minutes? Il a ce talent-là, lui. Non seulement il chante et il a une coupe de cheveux avec une frange incroyable, mais en plus, il peut résoudre un cube Rubik en 2 minutes. Et il y a une vidéo sur l'article d'assemblagerequis.com. Et hey, puis, c'était quoi? Il y a eu une histoire, là, j'ai vu ça aux nouvelles, Vancouver, ouais. Justin Bieber... agressé. C'est... Non. T'as pas vu ça? Pas vu ça. Ah, écoute, on va vous en reparler tantôt. Parce qu'on est votre source de nouvelles sur Justin Bieber, c'est fou. Ouais. Bon, prochain fait. Savais-tu que le pipi de chat brille ça sous une black light? Oui, entre autres. Ouais. Tu connais les black lights? Ouais. Bon. Donc, en fait, si tu peux sentir l'odeur du pipi de ton chat, mais que tu n'arrives pas à trouver le besoin... Prends une black light, tu vas le trouver et tu devrais t'assurer de le faire et de nettoyer cette tache d'urine parce qu'un chat a plus de chances de faire pipi au même endroit s'il y a déjà l'odeur de son pipi. Ben oui, c'est sûr. Ben oui, je sais bien. C'est ça que je dis. Fait qu'il y a nettoyé là. Hein? Ben oui, mais peut-être pour black light, là, dans le sens que tu le vois ou ce qu'il fait. Ouais, mais des fois, si tu veux, là. Tu le trouves pas. Ouais, arrête de juger le monde. Ok, j'arrête. Hein? Parlant de arrête de juger le monde, le plus petit pénis du monde. Hein? Avait environ 1 cm de long. Vous savez ça? Boy. 1 cm de long. C'est le Kinsey Institute qui a trouvé le plus petit pénis du monde, qui faisait 1,75 pouces ou encore... 1,75 pouces ou 1 pouce en érection. Là, je vois pas celui qui est plus long, ça doit être plus long en érection. Donc, selon... J'imagine, bref, je lui souhaite. Ce serait pas chanceux. Dans la littérature médicale, oui. On dit qu'il y a des pénis qui ont été enregistrés en dessous de 1 cm. Ah, ouais, il y a des micro-pénis. C'est exactement le terme. C'est une condition qu'on appelle le micro-pénis, qui peut souvent être traité avec une thérapie d'hormones. Il y a aussi... Vas-y. Non, rien. Mais vois-tu comment je l'ai pas dit fort? J'étais un peu gêné. Ben, un petit peu, ouais. Il y a aussi une condition qui, techniquement, pourrait rendre un pénis encore plus petit qu'un centimètre. C'est de l'hypoplasie congénitale. Avec cette condition-là, le corps, dans le fond, le pénis en tant que tel est complètement absent. Et à la place, c'est le gland qui est attaché directement à la région pubienne. Mm. C'est quelque chose, hein? C'est ça. Ouais. C'est un fait. On va terminer avec deux petits faits rapides. Savais-tu que les vautours vont faire... là, on reste dans les choses qui sont des termes médicaux que je peux utiliser à la radio parce que c'est médical. Font des excrétions sur leurs propres jambes. Des excréments. Des excréments. C'est beaucoup mieux dit, tout à fait. Pour rester au froid. Hein? Pour rester pour pouvoir se garder à une température froide. C'est ce qu'ils disent. Pour se rafraîchir. se rafraîchir. Ah, mais c'est vraiment bizarre. Les vautours. Dans le sens que nous, ça serait le contraire, dans le sens que c'est chaud. C'est chaud, ouais. Tout à fait. Ah, c'est... Je comprends pas trop, mais c'est de même. C'est un fait. Ouais, ouais, ouais. C'est sur Internet, ça dit. Ça doit être vrai. Hein? C'est sur les Internets, comme dirait Mathieu. Et on va finir avec William Luden. Je sais pas si tu connais les pastilles Ludens. Non. L-U-D-E-N, apostrophe S. Non. Ouais. Non. Donc, le gars qui a confectionné ces pastilles-là a fait fondre des bonbons qu'il avait pas réussi à vendre, a ajouté de la saveur de menthol et a créé ses... superbe pastille. C'est bon? Tu connais ça, non? Moi, j'ai jamais goûté, non? Mais je trouve ça intéressant de savoir comment il a découvert cette recette-là. Et puis, Mathieu, merci. Merci. Ça fait plaisir. Très intéressé. Mm-hmm. Écoute, puis moi, j'en ai un. C'est un fait, juste pour toi, okay. Pour les auditeurs. Saviez-vous que votre avant-bras... Moi, tu sais. Ouais, ouais. La même longueur que ton pied, c'est ça? Exactement. Ouais. Exactement. Et des fois, quand on le regarde comme ça, long. Non, ça n'a pas de sens. Mon pied est jamais aussi long. Essayez-le. Ça fonctionne vraiment. Ouais, c'est comme l'affaire avec le pouce mélèce. C'est quoi? Okay. AssemblageRequis.com pour les liens. Non, pense-y. AssemblageRequis.com est l'adresse où retrouver tous ces faits-là et beaucoup d'autres. Et il y aura une autre chronique la semaine prochaine. Et voilà. Pouce index. C'est toujours Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. Et Mathieu Plante, il est 7h52. Oui, et Mathieu Plante, en effet. Et Mathieu Plante. Et aussi Mathieu Plante. Et qui donc? Chose, là, le gars, là? François-Olivier? Non, l'autre. Ah, je sais pas. Il est fin, l'autre. Ah, celui qui chiale contre les croquants en canne. C'est genre... Mathieu Plante. Merci. Yay! Yeah. Hein, dis-moi, ça a l'air bizarre. Un petit peu. Oui, 7h52 minutes. Vous êtes toujours à l'Assemblage Requis, évidemment, sur le 89.1 FM. C'est fou, là. Et puis, l'Assemblage Requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Mais pas de croque en cannelle. Pas encore. Croque cannelle, excuse. Ouais. Je m'habituerai jamais. Mm-hmm. Oui. Donc, Hein, Mathieu? Ouais, on change de sujet, je sais. C'est parti. C'est ça. On écoute un petit peu de New Pornographers. Voici Silver Jenny Doll. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Et pour le kill, assemblage requis, émission matinale en pièces détachées. Ça, c'est fou. 89 FM. El Radio Campus. De Trois-Rivières. C'est quoi, c'est Trois-Rivières. Genre. C'est la fin de la première heure, il nous en reste une deuxième tantôt et ça va être notre heure remplie de chroniqueurs. Oui, oui, tout à fait. Simon Fitzbé, on reçoit avec sa chronique Phénomène. Oui, parce qu'aujourd'hui, jeudi, c'est le Simon Fitzday. Oh! Il n'avait pas encore entendu, je pense. On y en parlera tantôt. Oh, oui, tout à fait. Ouais. On a aussi François Landry avec sa chronique Logocratie 101. Il va nous parler de politique. Oui. Alors, restez là pour l'instant, c'est l'Info Campus. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Bonjour, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis, votre émission matinale en pièces détachées, celle qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. François-Olivier Marchand est devant moi. Et Mathieu Plante est devant moi. Et sur moi-même. Sur toi-même? Oh. Ouais, c'est ça. Hey, ça... Ouf. Pas à ta droite, par exemple. Non, mais t'as dit sur toi-même, et je pensais que t'allais dire sur moi-même, Simon Fitzbé. Ah, ben là, tu me mets des paroles dans la bouche que je n'oserais jamais dire devant public. Ouais, non, c'est bizarre. Hein, c'est ça, on garde des affaires pour nous autres, des fois, une fois de temps en temps. Ça arrive pas des trop. Des petites cachaderies. Ouais. Simon Fitzbé, il avait pas ça, lui, dans son émission. Il avait pas ça, des chroniques sur le croquant cannelle, mettons. T'sais. Non, puis Elle était bonne, son émission. Ça, tu vois. Hein? Un petit clin d'œil ici, là. On a baissé à bord un petit peu. Ben, non. Ben oh. Oui, mais... Ah. Dites pas ça. Mais t'as-tu entendu, Mathieu, là, péter la coche sur les crocs en canne? Non. OK, bon. C'est peut-être pour ça que t'es de bonne humeur aujourd'hui. Alors, on va accueillir Simon Fitzbay pour de la qualité. C'est vrai, voici sa chronique phénomène. Salut Simon. Bonjour, bonjour. Excusez, je faisais mes exercices de visage. Ah ouais, on aime ça. T'as-tu fait des bababi bobu avant aussi? Non, mais je vais faire un wababalubabalabamboo. Hey. Voilà, c'est fait. Hey, on est parti. Oh yeah, boum, boum, boum, go. Ça va bien, messieurs? Ah, oui, bon, ça va bien. Oui, tu es heureux. Ouais, ça va bien. J'ai vu plein de voitures de police qui s'en allaient vers quelque part sur des récollets tantôt. Ah ouais? Ouais. On va aller à la suite de l'autre. Ouais, il y en avait trois avec les flashs, tout le kit, là, les cerises, comme ils disent. Il y a un spécial... un spécial ses fruits. Un spécial ses fruits à quelque part. Je sais pas trop. Ça n'a rien à voir, ça. Vraiment pas. Jeudi est la journée de Simon. On appelle maintenant ça dorénavant. Et là, c'est moi qui l'aurais dit en premier, j'espère. Est-ce que j'ai dit, tu l'as déjà dit, ça? Non, okay. Jamais. Donc, j'amène l'expression que c'est le Simon Fitz Day. Oh! Et est-ce que ça va pogner cette expression-là dans d'autres émissions? On verra, mais vous le saurez, ça a commencé à Assemblage Rookie. Ça a commencé ce matin. Mais ça, c'est pas une bonne affaire nécessairement, mais. Ouais. Donc, Simon Fitzbay. C'est pas pire, oui. Ouais. Ben, t'as un jeu de mots facile à faire avec ton nom, c'est bien le seul avec Fitzbay. Hein. Effectivement. C'est ça. Donc, t'es avec nous, comme à tous les jeudis, à l'émission Assemblage Rookie pour parler de l'histoire du rock. Et là, aujourd'hui, c'est Little Richard. Petit Richard, né Richard Wayne Pennyman. Donc, il est né à Mason, en Géorgie. Il est issu d'une famille nombreuse quand même. Son père fait rien pour encourager son goût pour la musique lorsqu'il était petit. Et c'est ce qui a quand même troublé sa vie. Mais Little Richard, quand même, a eu une carrière florissante au niveau de l'histoire de la musique. Franchement révolutionné et influencé beaucoup de musiciens. Et c'est pourquoi qu'on lui rend hommage un peu avec cette chronique aujourd'hui. Donc, comme je le disais, il est né dans une famille nombreuse à Mason, en Géorgie. Son père n'était pas nécessairement très gentil envers lui et ne l'encourageait pas du tout à faire de la musique. Il rejette également ses tendances assez efféminées. On pourrait dire ça comme ça, puisque lorsqu'il était petit, il aimait beaucoup s'habiller en femme, mettre des perruques, beaucoup, beaucoup de bijoux. C'est ce qui s'est d'ailleurs répercuté dans sa vie au niveau des bijoux. En tout cas, il y avait une bague à chaque doigt. C'est ce qu'on peut percevoir, en fait, c'est ce qu'on percevait surtout dans sa famille, comme de l'homosexualité. Et dans les années... il est né en 1931. Donc, dans les années 30-40, c'était très, très, très mal vu. Ouais, c'est ça, exactement. Malheureusement, la société n'avait pas encore évolué à ce niveau-là. Ouais. Donc, il a dû quitter le domicile très tôt, domicile parental, bien sûr, et très rapidement, il s'est mis à chanter le gospel là, dans les fêtes locales et le rhythm and blues dans les clubs, ce qui l'a rendu de plus en plus populaire et ce qui a aidé aussi à élargir sa palette de talents. Il a signé son premier contrat en 1951 à la RCA, donc ça n'y a pas pris beaucoup, beaucoup de temps. Et au cours des années qui vont suivre, il va enregistrer plusieurs pièces de ce qu'on appelait à l'époque le jump blues. Il y avait des pièces comme Get Rich Quick et Every Hour, donc pour le label de RCA Peacock. Mais il n'a pas nécessairement connu un très grand succès avec ces pièces-là, malgré qu'on puisse pratiquement dire que le jump blues, c'était surtout du rock and roll. Et c'est en 1955 qu'il va signer un contrat chez Specialty. C'était une petite maison de disques de la Nouvelle-Orléans. Et il va faire en fait quelques séances d'enregistrement. Il y en a une, entre autres, qui va être légendaire. C'est au cours d'une pause qu'il fredonne un titre absurde et obscène qui se nomme Tutti Frutti. Et on a décidé donc d'enregistrer cette pièce-là et c'est devenu le grand succès qu'on connaît. On va aller l'entendre dès maintenant. She's the girl that I love. Richard avec la pièce Tutti Frutti, une pièce quand même qui était considérée comme obscène lorsqu'il l'a enregistrée la première fois. Et en fait, la maison de disques lui a demandé de changer quelques paroles, entre autres les pièces, la pièce originale comportait les paroles Tutti Frutti, Good Booty. Ah. Et donc, Booty étant le fessier, il a dû replacer quelques mots justement comme Tutti Frutti, Good Booty à Tutti Frutti, Rudy. Simplement. Ça veut rien dire, finalement. Ça veut rien dire du tout, mais c'était la seule façon, en fait, pour lui de rendre la pièce acceptable pour les radios. Et ça commence, bien sûr, avec le célèbre Awa-ba-ba-lou-la-pa-la-pam-bou, que j'ai toujours pas. Mais ça, c'est fréquent chez les Blancs, par contre. Hein. On n'a pas été très, très bon à reprendre cette pièce-là, Tutti Frutti. Il y a eu, entre autres, Elvis Presley qui l'a repris, qui s'est retrouvé sur un de ses albums, et Pat Boone qui a essayé d'en faire un succès radio, bien sûr, puisque les Blancs reprenaient les pièces des Noirs à cette époque-là. Mm-hmm. Question, donc, de voler un peu de leur popularité. Mais les gens voulaient Little Richard, et c'est justement ce qui fait que Little Richard est un des musiciens noirs qui a aidé à faire connaître la musique noire un peu partout, parce qu'il n'était pas imitable. Il avait une voix quand même assez exceptionnelle. Sa personnalité aussi. Oui, personnalité flamboyante, et son rythme musical qui était complètement effréné, et les Blancs n'arrivaient vraiment pas à le faire. Celui qui a été le plus proche, c'est Elvis Presley. En 1955, donc, ça a eu lieu l'enregistrement de Tutti Frutti, qui a obtenu un succès considérable. En même temps, il est devenu un classique du rock'n'roll. Il s'est fait une place, en fait, Little Richard, à cette époque-là, avec plusieurs pièces, entre autres, qui avaient été enregistrées par la suite, dont Long Tall Sally, Rip It Up, Jenny Jenny et Good Golly Miss Molly. Donc, certaines pièces qu'on aura le temps d'entendre peut-être en fin de chronique. Fait intéressant que j'aurais pu présenter dans le cadre de Paul is Dead, les légendes du rock'n'roll, les mythes et légendes du rock'n'roll de l'année passée, c'est que en octobre 1957, Little Richard faisait une tournée à travers le monde, c'est ce qui l'a rendu en Australie. Et alors qu'il était en avion en Australie, il y a eu plusieurs problèmes qui sont arrivés au niveau de l'avion, beaucoup, beaucoup de turbulences, même qu'il y a eu un moteur qui a pris en feu. Et il a dit tout simplement à Dieu, il a prié Dieu, il a dit: si jamais tu t'arranges pour que je survive à ça, cet accident d'avion, un possible accident d'avion, je vais lâcher la musique qui était vue à l'époque, autant dans sa vie que dans le monde en général, comme étant tout simplement une chose diabolique. Ouais, c'est ça, c'est la musique du diable. Il a dit: je vais tout lâcher ça et je vais devenir un de tes prêcheurs, simplement. Et en 1958, un peu après cet accident-là, il a dit: c'est fini la musique, je ferai plus rien. D'ailleurs, on en avait parlé la semaine dernière, c'est arrivé il y a à peu près presque une cinquantaine d'années. Plus qu'une cinquantaine d'années, on en a parlé des éphémérides la semaine dernière. Il a été mis au défi par un de ses musiciens, il voulait avoir une preuve du fait qu'il quittait vraiment la musique, et il a pris ses bagues, il les a lancées dans l'eau. Il a dit, c'est fini pour moi le milieu de la musique, je deviens prêcheur. Et donc, il a interrompu sa carrière et est devenu adventiste du septième jour. Ouh. Et oui. Donc, c'était un prêcheur. Mais en fait, il a enregistré de la musique gospel entre 1958 et 62. Il n'a pas arrêté de chanter comme tel, mais il a quitté le rock'n'roll. Il était prêcheur et il chantait des chansons pour Dieu. Il a enregistré entre autres avec Quincy Jones, producteur qui a travaillé avec Ray Charles et par la suite Michael Jackson. Donc, un bon producteur. Il va continuer jusqu'en 1962 et finalement, en 1962, il va faire un retour en Angleterre avec des groupes anglais comme les Beatles qui ont ouvert sa première performance en Angleterre, son retour en fait sur scène parce qu'il est revenu au rock'n'roll. Ah. Et oui, malheureusement, le fait qu'il ait quitté le milieu de la musique, ça n'a pas nécessairement aidé à sa carrière puisqu'entre 1964 et 1979, il essaie de renouer avec le succès, entre autres en 1969... Il va faire une prestation au Rock and Roll Revival Festival de Toronto. Il y avait avec lui Bo Diddley, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, John Lennon et Yoko Ono. Malheureusement, il y a eu un succès, donc entre autres avec ce concert-là, mais en général, sa carrière va pas remonter plus qu'il faut. C'est de la faute de Dieu, ça. Ouais, c'est de la faute de Dieu. En 1986 aussi, il va faire des concerts aux côtés de Bette Midler, qui était quand même une star à cette époque. Quand même connue, là. Ça me dit quelque chose. Dis, oui. Donc, il va faire plusieurs essais musicaux. Il va aussi essayer de jouer dans certains films également. Mais ça fonctionne pas. Il n'arrive pas vraiment à reprendre la popularité qu'il avait à l'époque. En 1986, on lui a donné un titre quand même assez honorifique. Il est devenu membre fondateur du Rock and Roll Hall of Fame. Et en 1991, il a joué dans Colombo. Ah hein? Oh, ouais. Ouais, ouais. Oh, ouais. Je me rappelle d'ailleurs d'avoir écouté celle-là. Mes grands-parents occupaient ce Colombo et Peter Richard était là. Il a reçu en 1993 un Grammy Award pour l'ensemble de sa carrière. Il est toujours vivant aujourd'hui. Il a fait entre autres une pub il y a quelques années de. Je pense que c'est d'assurance, quelque chose comme ça. Oh. Il est assis à côté de quelqu'un de normal. Il dit voici Little Richard qui explique l'assurance. Là, ah. Il capote, puis ouh, ouh, ouh. Puis la fille, elle dit ouais, pour moi, l'assurance, c'est ci, ça, ça. Oh. J'aime ça. Ouais, ouais, bon concept. Je dis pendant que je tousse. Ça ne paraissait pas du tout. Ben, la grippe achève. Ça fait H&M. Ouais. Ça a été pas bon. Ah, tu vois? Ah là là. Fumez, les enfants. Ouais, c'est ça. Ben, ne restez pas à l'école. Non. Fumez, prenez de la drogue. Ouais, exactement. Faites juste ça et vous allez ressembler à moi. Et voilà. Eh bien, voilà. Tu vas quand même à l'école encore? Là. Ben oui, je vais encore à l'école. Ouais, ouais. Oui, je suis fier d'encore aller à l'école. Cool. Non, non, c'est vrai, j'aime ça, j'adore ça. Je suis à la maîtrise et fier de l'être. C'est, ouais. Oui, et pour terminer la chronique, en fait, on pourrait présenter une autre petite pièce de M. Little Richard. C'est celle qui se nomme Long Tall Sally. Pièce, entre autres, qui a été reprise par CCR et qui a eu une bonne popularité au Québec. On écoute ça dans l'assemblage requis. Yeah. Little Richard et la pièce Long Tall Sally. Oui. Oui, hey, tu me parlais de la sœur de Mika, parce que là, petite parenthèse, Little Richard me fait penser à Mika. Puis ouais, tantôt, ben, à l'émission, on jouait Fun, qui avait l'air de Mika. C'est comme la journée Mika. Là. C'est un peu un prédécesseur de tous ces chanteurs flamboyants, ouais. Très poppy et qui ont des très bonnes mélodies. Tout à fait. La sœur de Mika. Ouais, ben c'est ce que j'ai lu en fait sur internet récemment là. Elle se serait empalée sur une clôture, elle est tombée d'une fenêtre de chez elle. Ok. Et aux dernières nouvelles, en fait, lorsque j'ai lu l'article, c'est-à-dire je pense en fin de la semaine dernière, elle était encore en vie mais en état critique. Et t'as pas vu, elle s'est faite mal. Ouais. Et ce qui était vraiment mauvais en fait, c'est que l'article en terminant disait Mika a deux autres sœurs et un frère. Dans le genre, comme si l'article qu'écrivait, mais tu sais, il y en a d'autres, fait que c'est pas grave. Oh! Il y en a une de ce père. Ouais, c'est un peu n'importe quoi, mais bref, oui, on lui souhaite les prompts rétablissements. Ah oui, tombé d'un quatrième étage. Ouais. Wow! D'accord, donc ben c'était pas le sujet de ta chronique, c'était Little Richard. Little Richard, petit Richard. Oui, ben c'est ben oui, on pourrait dire d'autres choses. On n'a pas fait aucun jeu de mots sur Dick, par exemple. Aucun dans. Sur Dick. Parce que Richard, le surnom d'un Richard en anglais, c'est oui, Dick. Oui, ah oui, c'est. On n'a pas fait. Fait que ça va bien. Tu sais, on aurait pu. Ouais. Donc c'est mon fils. De petit. Ça a jamais été fait, ça. Non. Donc ta chronique Phénomène est de retour jeudi prochain à 8h. Oui. Puis évidemment, jeudi. Et le Simon Fitz Bays Simon Fitz Day. Ouais. Il faut trouver une meilleure façon de le dire. Ouais, peut-être. C'est le Simon Fitz Day de Simon Fitz Bay. Ah, ah, mais ça, c'est pas pire. Ça. On a quelque chose ici, je pense. Donc, jeudi, c'est à Assemblage Rocky, évidemment, le matin. Oui. Au dîner de con entre 11h et 13h avec ton scout de l'Internet. Toujours prêt. Tu dis-tu des internets, toi? Si. Est-ce que tu dis des internets ou de ouais, l'Internet? Ouais, les internets. Parce que c'est bien plus cool, là. Il y en a plusieurs. Il faut choisir le sien. Là. Ben oui. Et le jeudi soir, entre 21h et 23h, c'est la saveur du moment. Effectivement. Et voilà, ça fait le tour de TA au vendredi matin. Oui. La journée est longue. C'est éphéméride. Ben, oui, c'est ça. À c'est 36h, ta journée. Exactement. Pas super, tu sais, quand même. Donc, ça vous donne plus de temps pour... apprécié. Ben, si vous avez besoin de plus de temps dans votre vie parce que vous travaillez trop, vous avez une job, vous, je sais pas, plein d'affaires à faire, demandez-le à Simon que vous rallongez votre journée. On va essayer. On va essayer. Écoute, on n'a rien à perdre. Mais pleurer Dieu comme Little Richard. Ouais. En jetant nos bagues à l'eau. Si vous me donnez une heure de plus, ben, en fait, là, il faudrait savoir le compromis que, qu'on veut faire. Ça, là, on va mais... laisser ça entre Simon et Dieu et les gens. Ouais. Ouais. Ça va être une histoire... En tout cas. Bref, ça mène nulle part tout ça. Simon Fitzbé, merci. Ouais, ça fait plaisir. Ouais, merci beaucoup, à vous. Oui. Son émission a mené à quelque part, hein, par exemple. Oui. Dans le temps. Oh, oui, oui. On s'appelle déjà, il y avait un lien. Tu sais, oui. Comme... Il faisait pas référence non plus au croc en cannelle. Non, non. Ça, c'était. Non. Non. Ouais. Mais vois-tu, c'est moi qui en reparle quand même. Ben, tout à fait. C'est un peu. C'est toi qui aimes ça, faire des callbacks, qu'on appelle ça. Callback. En humour, là, pour les gens qui veulent connaître le behind the scenes de l'humour, là, parce que nous autres, on est tellement les humoristes. Behind the scenes. Un callback, c'est une blague qui rappelle quelque chose qui s'est passé plus tôt dans l'émission, ou plus tôt dans la semaine, ou plus tôt, tu sais, dans le passé de ton ou dans de le carrière, spectacle. Dans oui. le spectacle, c'est ça, genre. Mm. Fait qu'on va faire ça à chaque jour, un callback, un daily callback. Non. Non, OK. Non. Vous êtes toujours à Assemblage Rocky, émission matinale en pièces détachées. Tout à l'heure, on reçoit François Landry. Oh! Oh! François Fitzbé. Avec sa chronique Logocratie 101, on va parler de politique. Bayon, la loi 115. Ouais, la loi 115. Simon Fitzbé, tu le restes avec nous, comme toujours? Oui. Oui, on va essayer. Tu vas devoir changer ton nom. Par exemple, je pense que tu n'as pas le droit de t'appeler Fitzbé. Par exemple, il va falloir que tu t'appelles... Fitzday? Non, c'est ça, quelque chose en français plus. Tu sais. Pourquoi? Pourquoi, Mathieu? Roger Pourquoi? Joubert. C'est trop anglophone. Roger Joubert. Wow, j'aime ça, on dirait. Ouais. Bon, ben, Roger Joubert reste avec nous, puis François Landry s'en vient tantôt. Pour l'instant, Gaslight Anthem, The Queen of Lower Chelsea. Ça aussi, c'est ben trop anglophone. Ouais. Stay in C'est fou, ça. 89.1. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées avec Info et Mathieu. C'est Assemblage requis jusqu'à 9h à C'est fou. Oui, toujours à Assemblage requis. Jusqu'à 9h. Oh oui, François Vieux Marchand, Mathieu Plante, on répète tout ce qui a été dit dans le petit bumper juste avant. On aime ça. On le dit deux fois. Ben oui. C'est plus divertissant. T'sais. Mais hier, c'était spécial deux fois. C'est ça, fait qu'il y a des restants de ça, ça découle. Pas le choix. C'est ça. Donc, maintenant, là, en ce moment, là, c'est le moment de se lever debout. Tous, parce que là, on était tous à genoux, évidemment, comme, comme, comme à l'église. On se lève. Oui, on... Charles, c'était comme dans l'église. Ah, oh! Oh, c'est le Logocratie 101. Non, non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. C'était déplacé, ça, Simon Fédier. Désolé. T'as pas le droit de dire des choses comme ça à la radio. C'est ben juste non, nous autres. T'es un chroniqueur, t'as un certain standard. Attends. Donc, bonjour François Landry. Bonjour Mathieu Plante. Bonjour, bonjour. Bonjour François Olivier. Bonjour Simon. Bonjour. Bonjour. Bonjour Simon. Bonjour. Salut. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Bonjour. C'est du ping-pong de salut, ouais, c'est ça. Bonjour, honorable collègue. Collègue, collègue. S'il vous plaît, là, on revient. Silence, on revient à l'ordre citoyen. Donc, François Landry, on parle du baillon sur la 115. Là, il y a une histoire compliquée. Les gens sont tout mêlés là-dedans, mais apparemment que c'est bien simple. C'est bien simple. Il y a 3-4 petits trucs à savoir. Qu'est-ce qu'un baillon? Qu'est-ce que la 115? Qu'est-ce que la 104? Et qu'est-ce que la 103? C'est pas les autoroutes, là. Ben, on pourrait quasiment croire, ouais, parce que la 115, ils ont filé à vive allure dans un seul sens pour la faire adopter. Donc, on pourrait comparer ça à une autoroute, un aller simple pour une destination viciée. Douteuse. Douteuse, outrageuse pour certains. Donc, oui, on pourrait comparer ça à des autoroutes, mais bon... ils sont pas mal plus vite que nos autoroutes actuelles. À Montréal, surtout. Oui, c'est cool. Okay, même de par chez nous. Ouais. Oui, la 115. Qu'est-ce que la 115? Mais elle a été adoptée mardi matin à 7h30. Donc, à 7h30 le matin, non pas 19h30. Là, on s'explique bien. Comment ça se fait qu'il y a eu, à 7h30 le matin, une loi adoptée? Il y a eu 15 heures, un marathon de 15 heures de débat pour la faire adopter. Mais que s'est-il passé pour que ça se fasse là? Habituellement, c'est dans la journée, du mardi au jeudi, en après-midi, une loi passe, ou le matin. C'est bien simple, c'est bien friendly, mais là, c'était un marathon 15 heures intense. C'est comme la nuit des petites cuillères. Ou la nuit des longs couteaux. T'as poigné avec les longs couteaux? C'est bon, c'est bon. Tu connais ton histoire, Mathieu, c'est bien. Ouais, je connais des termes de l'histoire qui veulent absolument rien dire dans ma tête, mais que je suis sûr qu'il y a une signification derrière. Oui, c'est pas pire. C'est ça. Donc, il y a eu un baillon. Un baillon, donc, au Québec, un baillon, en le vrai terme politique, c'est une procédure législative d'exception. Autrement dit, on proclame l'état d'urgence à l'Assemblée nationale, on suspend toutes les règles démocratiques à l'Assemblée nationale, pas au Québec, là, on s'entend, ou sinon ce serait les mesures de guerre, comme notre cher Pierre Curzi a déjà dit. C'est afin d'arriver à une fin immédiate. Le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que le gouvernement juge qu'il y a... Le débat s'est fait. Donc, il faut mettre un terme au débat et procéder. On va dire « bye, bye, bye ». C'est exact. Ça doit venir de là. Ça doit venir de là. Mais le baillon, non, habituellement, c'est qu'on muselle l'opposition. Donc, l'opposition n'a plus le droit de parler. Mais j'ai une petite question dans le sens où le gouvernement, Parti libéral, en fait, est majoritaire. Oui. Pourquoi ça prend absolument un baillon, dans le sens qu'il aurait pu la voter, non? Il aurait pu. Il y a deux raisons pour ça. OK. Premièrement, le 22 octobre, donc vendredi demain, c'était la date limite pour faire appliquer la loi par ordre de la Cour suprême du Canada. OK. Ça, je vais revenir pour la loi 104. Oui, il y a eu un jugement. Il y a eu un jugement l'an dernier, le 22 octobre 2009. Il y a eu un jugement, donc ils avaient un an pour agir. OK. L'autre, pourquoi ne pas le faire en commission? Il aurait pu le faire dès le mois de mai dernier. Et laisser traîner ça tout l'été et revenir au mois de septembre en parlant, c'est parce que le gouvernement Charest s'est dit si La procédure normale pour une loi, c'est de déposer un projet de loi, soit gouvernemental ou privé. Privé, c'est un député de sa propre initiative qui le dépose. Donc là, c'est un projet de loi gouvernemental. Il dépose, doit se faire adopter comme projet de loi. Donc, il n'a pas force de loi, là. C'est un projet. Projet de loi. Ensuite, il s'en va en commission parlementaire. Donc, des députés à la proportionnelle siègent sur la commission et là, ils discutent. Il n'y a pas nécessairement de vote ou c'est une discussion à savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour modifier ou non la loi, la rendre plus belle, la rendre légale, modifier une autre loi qui viendrait entacher cette loi-là. Donc, une commission. Donc, ça, c'est très, très long. Ils ne sont pas pressés, eux autres. Ils sont bien payés, ils ne sont pas pressés. Ça ressemble à ça. Ils n'ont pas d'autre chose à faire l'après-midi qu'on va aller discuter avec des beignes de l'eau, puis ça marche pas, on va ajourner les réunions, puis on va les remettre dans un mois. Ouais. Habituellement, ça dure un an. C'est une loi, là, c'est. Une bonne loi, c'est un an. Une très bonne loi, c'est 3, 4, 10 ans, 20 ans. Ça se finit pas. Donc là, il a dit, on la veut là, on impose le baillon. Et le gouvernement, tu l'as dit, était majoritaire, donc on savait le résultat. Ben oui, tout à fait. Et là, le résultat a été 61 contre 54. Mais le pourquoi aussi ça a été si long, pas la période des questions, là, mais le débat. Le marathon? Oui. C'est l'heure minimum, les heures minimum qui doivent être accordées pour justifier le principe démocratique. Donc, on en discute pendant 15 heures non-stop, pendant toute la nuit. Et quand je dis toute la nuit, c'est toute la nuit. Là, on pouvait se brancher sur lasnat.qc.ca la nuit. On pouvait les regarder avec les cernes. Ouais, je l'ai même pas écouté. Je me suis branché aux petites heures du matin. Mais qu'est-ce qu'ils disaient? Ils débattaient. Mais ils n'ont pas le choix de débattre. Fait qu'à la limite, tu sais, tu débats juste pour... Ils parlaient de sport. Juste pour le plaisir. Ben, habituellement, c'est les grandes heures d'écoute. Donc, avant le bulletin de nouvelles de 18h, c'est là qu'on envoie les gros canons, les gros calibres de chaque de l'opposition. Pour avoir une place aux nouvelles. Et voilà, pour avoir le petit clip de 8-10 secondes. Mm-hmm. Et dans la nuit, là, c'est là que après 18h, je l'ai regardé. Puis là, Christine Saint-Pierre, donc la ministre déléguée qui est responsable de l'application de la charte, était là, puis c'était un ronfle. Après le baillon, le baillement. Il y a Yvon Vallial, le président de l'Assemblée, qui est endormant quand il parle. Mais là, je crois qu'il y a de la compétition. Là. Ah ouais? Dans un baillon, il y a beaucoup de compétition, parce que là, c'est tout le monde des envolées oratoires. À ne plus finir. Ils ont habituellement une heure des temps loués. L'opposition a une heure. À remplir. Une heure à remplir de discours. Ensuite, on passe au deuxième groupe de l'opposition qui a, mettons, 37 minutes. Ensuite, Québec solidaire qui a une minute. Et on revient, on recommence. Donc là, c'est le gouvernement qui a deux heures pour parler. Ensuite, une heure à l'opposition. Ensuite, 37 minutes, la DQ. Une minute, le QS. Mais QS, on s'entend, ils n'ont pas été là. T'sais, pour une minute, ils disent, ça vaut pas la peine. Même la DQ, ils n'ont pas envoyé personne. C'était vraiment entre des députés, habituellement des députés d'arrière-ban, ceux qui veulent faire leurs armes à l'Assemblée. Les backbenchers, ceux qui tapent sur le bureau et font « ouh, ouh, ah ». Eux autres, là, ils font leur gamme. Il y en a qui lit des romans pendant ce temps-là. Ouais, c'est disque et ratio. Mais tu disais que Québec solidaire n'était pas là. J'imagine qu'Amir Kadir est allé sauver des vies, lui qui est médecin quand même. Donc, bravo. Non, sûrement qu'il est allé se coucher. Ben, je sais pas, mais. Ben oui, sûrement. Cet été, hein, il faisait des entrevues devant l'hôpital avec son soude. On ouvre une parenthèse ici. Le lundi, quand il est en circonscription, il passe à l'hôpital Maisonneuve Rosemont où il travaille en tant que médecin, non pas médecin impliqué, donc il fait de la recherche. Il dit « Je suis député, je siège à Québec, je siège à ma circonscription et je suis aussi médecin, donc je fais de la médecine. » Donc il fait des... Comme toi, Simon, il y a sûrement des journées de 36 heures, lui, là. Ouais. Donc, pour revenir à la 115, pourquoi on l'appelle la 115 alors que tout l'été, on l'a appelé la 103? Tout simplement parce que la 103, il y avait quelques éléments qui faisaient l'affaire de l'opposition. Changer une virgule de place, changer un mot, le modifier, le moderniser. Donc, on dit on passera pas la 103, ou sinon, il va y avoir un débat complet. Donc, on va amender la 103. On va prendre tout ce qui est outrageux pour l'opposition, puis on va la renommer 115. Donc, c'est un projet de loi 103 qui s'est divisé en deux. Donc, la 103 qui a été adoptée, les petites modifications, donc adoptée par, pas consensus, mais à l'amiable, qu'on appelle. Pas besoin de vote. T'es-tu d'accord pour qu'on change tel mot, qu'on rajoute un S à tel mot? Moi, ça me dérange pas. Vas-y, go, c'est fait. Donc, c'est adopté. Et la 115, qui est issue de la 103. Donc, c'est la nouvelle dénomination. Donc, dès qu'on tape sur Wikipédia, loi 103, on arrive sur la page loi 115. J'ai testé hier, puis ça redirige. C'était refait. C'est vive refait. Le web. Hein, oui, exactement. D'où est partie la loi 103? La nouvelle loi 115, c'est partie de la loi 104. La loi 104, OK. Mathématiquement, ça n'a pas vraiment de sens, par exemple. Non, j'aimerais savoir le processus, mais je pense que c'est aléatoire, les lois, parce qu'on s'entend qu'une loi 104, dans 10 ans, elle peut être... Une autre loi peut s'appeler aussi 104. Ah, OK. Mais ah, c'est, y a d'autres codes qui viennent avec. C'est pas comme des chandails des Canadiens qui retirent le numéro, là. Aucune idée, je sais même pas c'est quoi le hockey. J'ai aucune idée. Là-dessus, on s'entend très bien, le sport, là. Hein? Donc, la loi 104, c'était en 2002, lorsque Bernard Landry était au pouvoir. Donc, lui, un vrai nationaliste. Il a dit, il y a un problème avec la loi 101. La loi 101, ça, on s'en rappelle. On ça, s'en rappelle. C'est ouais. En 1977. Moi, j'étais né, pas vous autres, en 1977. C'était la langue officielle du Québec, c'est le français. Donc, affichage en français, la langue de travail, c'est en français. Les documents légaux du Québec sont en français. Donc, tout doit se faire en français. Donc, c'était la loi qui officialisait le français comme langue d'usage au Québec. Mais il y avait une brèche. Ceux qui allaient à l'école anglaise privée non subventionnée pouvaient aller ensuite à l'école publique subventionnée en anglais. Et puis là, Bernard Landry, nationaliste comme il est, a dit « Il faut régler cette brèche-là. On va faire adopter une loi 104 adoptée en 2002 à l'unanimité. » Donc, et l'opposition et le gouvernement ont voté pour cette loi-là. Sauf qu'elle a duré jusqu'en 2009, où la Cour suprême du Canada a été saisie du dossier parce qu'il y a eu une personne qui s'est plainte. Ça brime mon droit fondamental de décider d'envoyer mon enfant à l'école anglaise. Une personne de la communauté. Oui, et c'est M. Nguyen, en passant, parce que l'arrêt l'arrêt judiciaire s'appelle l'arrêt Nguyen. Donc, on s'entend, c'est M. Nguyen qui a porté plainte. Et ça élimine beaucoup de gens, ça. Là, il va falloir trouver le Nguyen. On s'entend qu'il ne doit pas venir de Chibougamau. Non, c'est ça. Il doit venir au moins de Trois-Rivières-Ouest. Il reste à peine quelques millions de gens après ça. Oui, c'est ça. Pour recentrer notre filtre. Et puis là, lui, il a porté plainte en bon citoyen. Il a le droit. Il porte plainte. Et la Cour suprême du Canada a dit que la loi 104, elle est anticonstitutionnelle. Donc là, ça a été un débat en 2009 à savoir de qu'est-ce que le Canada fait dans nos lois. Ouais, là, ouais, un ouais. moment donné, là, c'est guerre au Canada, mêle toutes tes affaires, on se mêle de nos affaires, mais aux dernières nouvelles, le Québec est encore une province canadienne. Mais c'est ça parce qu'on est d'un pays qui est soi-disant bilingue, c'est pour ça? Non, ça n'a pas rapport avec la loi sur le bilinguisme, ça a plutôt rapport sur la Charte des droits et libertés de la personne. Peux-tu bien aller étudier ou ça te tente d'aller étudier? Voilà, t'es libre au Canada de faire ce que tu veux. Aucune loi ne peut te restreindre. Mais à la limite, ça n'a pas de sens. Parce que moi, en fait, je peux pas envoyer comme mes enfants à l'école en anglais. Maintenant, oui. Avec la loi 115, t'as le droit, ça, François. Mais juste au privé. Au privé non subventionné. Non subventionné. Ouais, donc, il ne relève pas du ministère de l'Éducation. Donc, c'est comme un passe-droit. C'est quand un passe-droit, mais il n'y en a pas tant. Ben, si ton enfant va là pendant 3 ans, après ça, tu pourras aller... Dans le public. Oui, l'enfant va pouvoir y aller, ainsi que tu rouvres une boîte de Pandore... Pour ses frères. Frères, sœurs, descendants. Famille. Là, lui, les descendants, t'as pas le droit... Présentement, dans la loi québécoise, si ton parent est anglophone de naissance, il peut envoyer son enfant à l'école anglaise. Ah, OK. Là, avec la loi 104, tu ne pouvais plus le faire. Tout le monde, c'est à l'école francophone ou anglophone, mais seulement si ton parent est anglophone. Maintenant, avec la loi 115, c'est tous ceux qui ont de l'argent pour payer une session. Mais c'est ça doit coûter excessivement cher. 1 000 $ par année. C'est à l'école primaire. Ah, c'est ça, c'est pas à l'université, non, c'est à l'école primaire. Il y en a 9 écoles au Québec. Fait que c'est ça, mais à la limite, c'est pas accessible. Tu sais, ça a comme pas de sens. Il y a une compétition en triche. C'est ça, mais si t'es pauvre, en fait, t'as pas droit aux mêmes avantages. Non, partout dans le monde où t'es pauvre, t'as pas le droit aux avantages des riches. Ça, c'est clair, on s'entend là-dessus. D'où la critique de Québec solidaire. Lui, il dit, c'est pas grave pour la langue française parce qu'il y en a 2000 étudiants au Québec. T'sais, c'est pas beaucoup sur une population de 8 millions. Donc, on s'entend que, oui, c'est une entorse à la loi sur la langue française, mais c'est pas grave. Là où Amir Kadir chiale, c'est les inégalités sociales de par la richesse. C'est sûr, t'es riche, c'est sûr. Tu peux te permettre une éducation de qualité. Sûr. Tandis que t'es pauvre, envoie l'école publique subventionnée, puis francophone, t'as des lois pour toi. Donc, c'est qui est restreint dans sa liberté? C'est le pauvre. T'sais. Mais je dirais pas nécessairement de qualité, mais de non, choix. Ben, exactement. Tu sais, t'as pas le choix. Exact. C'est ça qui est... Donc, si on revient aux critiques, je vais terminer, il me reste 2 points, ça sera pas tellement long. Le PQ, sa principale critique, c'est une entorse majeure à la fibre nationaliste, à la langue française. Donc, il s'en prend vraiment au gouvernement d'avoir imposé un baillon, une mesure de guerre, comme le disait Pierre Curzi, qui est l'opposition officielle pour la langue française et la culture. Donc, lui, c'est vraiment ça. L'ADQ, elle, pour sa part, déplore seulement le procédé de Bayon. Ils ont dit ça fait... Il reste le Bayon. Non, ben, l'ADQ est pour un Québec bilingue. Langue française obligatoire, mais langue anglaise, ouais. Langue seconde. Ben donc, oui. Lui est pour ça. Donc, ça ne dérange pas, lui, qu'il y ait une anglicisation. Québec solidaire, comme je le disais, c'est sur la disparité économique, financière, sur les inégalités. Moi, c'est ça qui m'achale aussi. C'est quand même 10 000 piastres. Ouais, non, c'est ça. Puis, oublie ça, là. Personne n'a les moyens, mais personne... Ça a l'air que oui. Oui, oui, non. Ça a l'air que oui. J'imagine qu'il y en a quand même 2400 au Québec des élèves qui fréquentent l'école anglaise privée non subventionnée. Il y a 9 écoles anglaises privées non subventionnées, c'est ça? Au la Québec, Trois-Rivières High School, est-ce qu'elle en fait partie? Ou... Non, elle est subventionnée. OK, elle. Ouais, c'est bon. C'est vraiment... Ça doit être dans école, le Montréal. Genre, il y a 30 élèves, 8 élèves, c'est vraiment des écoles alternatives qu'on appelle, mais de langue anglaise. Donc, c'est très restreint, c'est habituellement des écoles juives acidiques parce qu'eux ont... une charte spéciale parce qu'ils sont des écoles religieuses ouais. Et non pas laïques. Donc, ils en profitent en même temps pour faire une assimilation anglophone. Donc, bon, le titre de ma chronique, c'est logocratie. Logocratie, on s'en souvient, il y a un code en politique. Il faut décoder le code. Okay? La loi 115 qui a été adoptée, c'est une gifle pour le Parti québécois. Et non pas pour la langue française ou pour le gouvernement de Jean Charest. On aurait cru que Jean Charest en serait sorti encore là avec un euro beurre noir. Non, c'est Pauline Marois qui en sort farouchement. Elle l'a dit, de toute façon, hein, si je retourne au pouvoir, vous pouvez être sûr ouais, que... Oui, ben, elle a aussi dit que la gratuité scolaire était viable. Elle a aussi dit que le Québec serait indépendant. Elle a aussi dit plein d'affaires. Ouais, non, c'est... Faut l'en prendre puis en laisser. Ouais. On verra bien en temps et lieu si elle arrive au pouvoir un jour, mais on verra bien. Si, ouais. Ça a aussi si. Été une grosse gifle pour Pierre Curzi, qui aime beaucoup à défendre. Oui, ben, pour le PQ en général, on va y aller là-dessus. Parce qu'eux autres voulaient vraiment faire une lutte linguistique comme dans les années 70. On s'en suit plusieurs manifestants dans que la rue gens, avec, ouais, c'est avec des bâtons de baseball pour défendre la langue française. C'était carrément ça. Il y a eu 2000 manifestants à Montréal et une poignée à Québec. Ça, c'est les médias en ont ri. On dit c'est ça la mobilisation linguistique au Québec. Mais on ils se mobilisent pour la marche bleue des Nordiques. Ouais, oui, c'est ça. Oui. Mais j'étais pas surpris, moi, qu'il n'y avait pas grand monde. Non, moi non plus. Honnêtement, je m'entendais pas. Mais déjà 2000. Surtout quand c'est Pierre Curzi qui appelle les gens à sortir aussi, dans les rues. Aussi. Et on se souviendra en 89, la loi 96, donc notre loi sur l'affichage bilingue. Donc le gouvernement libéral avait autorisé l'affichage de commerce bilingue. Il y avait eu 60 000 manifestants dans les rues à Montréal. Donc, déjà là, la lutte linguistique, juste pour un panneau réclame, amenait beaucoup plus de monde. Donc, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce que c'est les crises hystériques de Pauline Marois qui a traité les Québécois de petits peuples? Vous l'avez entendu, cela? Non. Non, je ne l'ai pas entendu, cela. Elle a traité le Québec de petits peuples. Wow. Parce que... c'est très mal dit de sa part, parce que Pauline, elle, faut qu'elle lise son discours. Okay? Puis, si on regarde l'Assemblée nationale, elle lit. Si elle débarque de ses lignes, elle improvise. C'est ça que ça fait. À la Ligue d'improvisation mauricienne, elle aurait des chou-claques par en arrière de la tête. Pour joueuse comme elle est, ça doit pas être facile. Hein? Non, que non. Parce qu'elle a débarqué, ouais. Elle a fait une crise hystérique. Vraiment, là, elle avait une veine qui battait à côté de sa tempe. Puis elle a dit que la population du Québec représentait 2% en Amérique du Nord. Donc, les francophones, 2%. Mais elle a mélangé le nombre de populations et le caractère du peuple. Donc, au lieu de dire... que c'était une petite population, une minorité linguistique. Elle a dit que c'était un petit peuple. Ça fait hautain un peu. Hein, c'est... aristocrate, donc ben Pauline Marois. Et donc là, Jean Charest, calme, a dit « Je viens de scorer un point. » se lève, noue sa cravate et dit « Moi, je suis le premier ministre d'un grand peuple. » Il s'est rassis. Elle ovation aïe, debout. Aïe. C'était... Là, Pauline Marois, tu voyais qu'elle rongeait son frein. Puis là, elle dit là, et oui, effectivement... À 18h, juste cette clip-là qui passait. Ping. Pauline Marois, petit peuple. Donc, la population s'est pas sentie aimée de par le PQ. Elle, en tout cas, je veux pas... mais je pense qu'elle serait mieux de laisser sa place. Ben, prends ta carte du parti. Vas-y au bon grand voilà. Parce que selon les sondages, selon les sondages, le PQ est à 34%, puis le PLQ 28%. On s'entend que... C'est pas énorme, mais avec tout ce qui est arrivé... Ça serait le temps pour l'opposition de faire du body surfing sur la vague populaire qu'il y a au c'est Québec. Ça. Mais c'est parce que s'ils ne scorent pas là, ils ne scoreront pas. Ben, voilà. Puis peut-être que son poste va être remis en question au mois d'avril. Qui sait, on ferait des pronostics, mais au mois d'avril, ça va me faire plaisir de revenir ici, analyser le tout, ah oui. Savoir si elle démissionne avant Parce que si elle a démissionné, ce sera avant et non pas au Congrès pour ne pas sortir la tête basse comme Bernard Landry avait fait à l'époque. Il avait obtenu 76% d'appui, il s'était retiré, il a dit non, j'ai pas la faveur de mon parti, il se retire la tête très basse. Pauline Marois, elle s'en sort en bas du même chiffre. Je crois que sa tête roulera dans les jours qui suivraient le Congrès, mais pour l'instant, elle est bien en selle, selon les dires qu'on a. Elle a de l'air à lui tenir. À tenir à l'air, ouais. Son seul but dans la vie, c'est de devenir première ministre. Ouais, c'est son but. Oui. Son but. Mais est-ce qu'on va lui accorder ce mandat-là, cette joie-là? Mmh. On verra. Wow. Merci beaucoup, François Landry. Ça fait plaisir. Excellent travail de vulgarisation, comme toujours. Ben, j'essaie de faire mon possible. Il s'est réussi. Oui, c'est très apprécié. Merci. Oui. Vous êtes toujours à Assemblage Requis. François-Olivier Marchand et Mathieu Plante ensemble jusqu'à 9h pour encore une dizaine de minutes à l'émission matinale en pièces détachées. Maintenant, on retourne en musique. On va aller entendre un petit peu de Chantal Archambault. François-Olivier, je te... Vas-y. Tu l'as reçu en entrevue. C'est tout à l'heure, dans les palmarès, c'est fou, entre 14h et 17h. Aujourd'hui même, on va l'avoir, Chantal Archambault, par téléphone. On écoute une pièce de son album, La romance des couteaux. Voici Caval sur C'est fou, 89.1 FM. À feu pour que dans le noir tu puisses me voir un peu. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. On verra de Jésus les filles à Assemblage requis. C'est la fin de l'émission et c'est la fin de la semaine de l'émission aussi, François-Olivier Marchand. Ben oui, certainement. Écoute, demain, on se lève tard. Oh oui, on se la joue demain matin. On se la joue demain matin. Attends un peu, ça sonne mal, ça là. Ouais, ouais, ouais. C'est louche. Un petit peu louche, à peine. Si tu te la joues demain matin, dis-moi les pas. Peut-être ce soir. On parle de ce qui s'en vient plus tard. Dis-moi n'importe quoi, n'importe quoi. Plus tard aujourd'hui, à C'est Fou, 89.1 FM. Un petit con avec Danny Janvier. Ben oui, Stupid Lunch. Stupid Lunch. Stupid Lunch avec Danny January et Charles-André Lambert. Ensuite, il y a une dose d'estrogène entre 13h et 14h. Moi, je vais être de retour avec les palmarès C'est Fou entre 14 et 17. Ouais. Badaboum, badabing avec Chantal Archambault en entrevue. Chantal will be there. Ensuite, Stéphanie Gagné, ma co-animatrice, va rester avec vous pour une belle chanson. Puis Aspirage, que les punkas, la saveur du moment. Ça, c'est avec Simon Fitzbé. Parlant de Simon Fitzbé, tantôt, on va l'écouter au dîner de con. Il va être là avec les scouts, le scout des internets. Et puis, il va nous parler des nouveaux produits d'Apple. Parce que j'ai pas eu le temps d'en parler aujourd'hui pendant tout, moi. Non. Mais j'ai hâte d'entendre sa chronique et j'ai hâte d'entendre son avis sur ces nouveaux produits-là, les nouveaux MacBook Air, la nouvelle suite iLife 2011. C'est génial. C'est génial. C'est absolument génial. Mathieu qui est un fanatique invétéré d'Apple. Tellement. Sinon, demain matin, si vous avez raté un segment ou une chronique ou un moment cocasse de l'émission. Les meilleurs moments. C'est les meilleurs moments entre 6h et 9h. Ça, c'est demain matin. Ça rejoue aussi samedi entre 13h et 16h. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la programmation? Il y a des tonnes d'affaires. Allez voir sur cif.ca pour vous renseigner, mais je vous suggère particulièrement Rock Classique demain, vendredi, entre 13h. Avec Simon Fitzbu, d'ailleurs, qui a fait une chronique qui va être là demain à 11h. Rock Classique commence maintenant à 11h, mais ça fait depuis le début de la session. Là. Ça a changé une fois de temps en temps. C'est à 11h en ce moment. Là. Et puis les betteraves violentes aussi, que je vous suggère. Ça joue entre autres samedi à 16h. Les nouvelles de Radio-Canada vont suivre dans quelques minutes. On va s'entendre ça, on va s'informer. Peut-être encore des affaires sur la loi 115 ou appelez-la comme vous voulez. Je suis sûr qu'il y a un suivi là-dessus dans ces nouvelles-là. Puis nous, on va se retrouver lundi matin à 7h avec une autre édition d'Assemblage requis. Qui est-ce qu'on va avoir lundi? Lundi matin? Ouais. Alexandre Delage. Alex Delage avec ses boulamites. On va aussi avoir notre ami Stéphanie Gagné avec ses chroniques spectacles. Take me out. Take me out de the ball game. Ouais, ou encore Take me out. Take me out de... Moi, j'aime mieux la chanson à la 7e manche là, qu'on chante. On va y suggérer voir si elle veut. Take me out to the ball game. T'as du talent? Oui. Ouais. Hey, peut-être une nouvelle chronique dans l'émission Assemblage requin. Une chronique de sport, peut-être. OK, wow! Faite par nul autre qu'un journaliste au Journal de Québec. On se retrouve lundi 7h. Bye!